Deuxième fragment, sortie de l'appartement vers la galerie. Non, mais c'est tout à fait... bon, ben là-bas, par exemple, quand on descend, là, bon, on va partir d'ici, alors. Enfin, ou alors on peut y aller ensemble, si vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Ouais, remarquez, vous voulez la ville là, non Oui, je peux très bien aller à la ville, ça me... Je suis au niveau du parc, hein. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien que vous me racontiez, là, pendant qu'on descend, ce que... En fait, ce qui se passe au niveau des bruits. Ah, les bruits, ben, ici, là, les gens qui suivent, bon, ben, à part les bruits des enfants, les cris, les trucs comme ça, les qu'il y a, finalement. On n'a pas de bruit, hein. Ici, c'est vraiment le calme complet. Hein. Ici, c'est le calme complet. Ah, ouais. Ici, les gens comme moi, à part les gosses, c'est tout ce qu'on entend. Hein. Pardon ? À part les gosses, c'est tout ce qu'on entend ici. Hein. Bon, ben. Ah, pour les... Parce que les voitures, finalement, ils sont interdits, hein, les voitures. Mmh. Voiture, ouais, c'est interdit. Bon, bah, il n'y a pas de voiture, c'est vachement un point, ça. Je vois la nuit, moi, on habitait Fontaine avant. Bon, bah, c'était la rue, bon, c'était vraiment la rue, quoi. Bon, bah, les portières, les jeunes qui faisaient partir les mobilettes, les voitures, les portières. Mmh. C'était bon. Le bruit, que là, bon, à part les cris des gosses, je vous dis, c'est tout ce qu'on a ici. Mmh. Non, c'est, disons que c'est un point agréable. C'est plutôt calme, quoi. Alors, la journée, quand vous assurez, vous avez une trentaine de gosses qui s'amusent ici, là. Ça, bon, d'accord. Mais à part arriver à 9h du soir, terminé, ouais. Hein, on n'a pas de bruit, hein. On peut... mmh. Moi, j'ai habité Fontaine, bon, ben, arrivé... On ne pouvait pas dormir la fenêtre ouverte. Hein. C'est pas possible parce que l'été, d'où qu'on habitait, l'été, bon bah c'était les voitures, les mobilettes, les gosses dans le parc avec les mobilettes, les voitures et tout ce qui est censé. Ici, l'été, bon, il n'y a pas de bruit.